suite, nouveau hôtel, violet dans le viton. Même chauffe hôtel, elle va goûter le piton. Savon là-bas dans la tour de béton. Angel les bas, ils ont mis le pimpant. Savon à balle, vol à balle. Ça fume la frappe de Malaga. Lui il s'est pris une balle, une rafale. Il va refaire sa vie là-bas. Matrixé, ils ont mis le nez dans la stouffe, ils ont remixé. Matrixé, quand ça fait des poussées, tu sais pas qui c'est. Matrixé, elle est à peine jalouse, elle voulait me pister. Matrixé, on a confiance en Dieu, ça aide à résister. Matrixé, ils ont mis le nez dans la stouffe, ils ont remixé. Matrixé, quand ça fait des poussées, tu sais pas qui c'est. Matrixé, elle est à peine jalouse, elle voulait me pister. On a confiance en Dieu, ça aide à résister. Max de chez Max, j'ai mis du gadolche. Petite paire d'air Max, là je ressors du procès. Petit trou du cul, t'as roulé une chaussette. Elle est tapée charmante, elle a les petites faussettes. La laisse, elle est trop grosse, elle croit que je suis un faussaire. Je crois qu'elle a ses règles, elle me fait ses faussaires. Pétou et dosette, ça fait la petite causette. Ça part de l'OM, de l'évasion au pommette. Et ça roule à balle, tcha tcha balle. Que ça rajoute quand ça parle. Elle m'a pris la tête, pris la race. Je vais rouler un pilon de la race. Matrixé, ils ont mis le nez dans la stouffe, ils ont remixé. Matrixé, quand ça fait des poussées, tu sais pas qui c'est. Matrixé, elle est tapée jalouse, elle voulait me pister. Matrixé, on a confiance en Dieu, ça aide à résister. Matrixé, ils ont mis le nez dans la stouffe, ils ont remixé. Matrixé, quand ça fait des poussées, tu sais pas qui c'est. Matrixé, elle est tapée jalouse, elle voulait me pister. On a confiance en Dieu, ça aide à résister. Matrixé. Ils ont mis le nez dans la stouffe, ils ont remixé. Matrixé. Que ça fait des poussées, tu sais pas qui c'est. Matrixé. Elle est tapée jalouse, elle voulait me pister. Matrixé. On a confiance en Dieu, ça aide à résister. Matrixé. Ok. Matrixé. Et tu vois pas, t'es matrixé, une cruise. Matrixé. Comme Néo, tu esquives les balles, toi.